llegado justamente en el momento oportuno. Tengo órdenes, princesa, de llevar a los prisioneros ante el emperador. Fucky. Boomerang Radio. Fucky. Fucky. Boomerang Radio. 89.7. Fucky. 89.7. Ça, ça sort du 5-9. Oh ouais. Ok. Check. Check. One, two. Quand est-ce que la roue tourne? Dégoûté par la routine. Calme à la résine, des litres de flotte et dans la rétine. Faut se faire une raison, c'est pas demain que ça va cesser. L'ennui a pris racine, maintenant les jeunes se foncent dans la CC. Faut voir comment évolue le monde, fondé sur le matériel. Ferrari rouge et blonde, lobotomisé par les ondes radio. Télé, promettre une vie parfaite, faut que je m'échappe du fric, des pots d'échappement. Ce monde retouché sur Photoshop, ce monde où le temps est compté. Faut remplir son compte, par en 3 semaines de congé. C'est pas un Walt Disney que je te compte. Un contrat des côtés, des prêts, un endettement. De l'argent mis de côté pour te payer un bel enterrement. Quel intérêt? Perdre sa vie à la gagner, rentrer dans les rangs, se dire de la société intégrée. Y'a plus taf, encore un jeune inscrit aux intérims. Père espoir, encore un qui demain bravera les interdits. Rêve de villa et PM, ce qu'on leur montre à la télé. Les yeux cernés, les poings serrés, encore un jeune incarcéré. Tout ce temps, bien rire des ânes, je résume ce que mes frères disent. Ça doit bien faire des années que ça dure. Tes potes te saluent en traite, tu les vois en train de salir. Mais j'arrive pas à me dire ce qui les pousse. Quand ils me voient, tu vois leur visage en train de pâlir. Ils arrivent pas à parler, bégayent, ils arrivent même plus à lire, plus à aller. Si je m'exprime sur texte, c'est que j'ai des choses à dire. Je traîne seul parce que j'aime pas trop les choses qu'on me dit. Y'a pas besoin de le dire, tous ces mots chalirés. Souvent tu te retrouves seul sur ce putain de navire. Vas-y, ça part en freestyle ou quoi? Ça part en vrille. J'attaque, blague, j'attaque à bloc de rime. Comme la gueule, je vis comme un jury dans la Wolverine. Flow flamme, trop crade, les billards chez les flics. Traîne des tours, flow flash et au drame et crâne rasé. L'armée de cam, les 22 grammes, dame des 22 années, ça mitraille comme à l'armée. Avant de canner, je prends du bif, bif. Dans le vide, rien à grailler, rien à fournir dans mes rimes. Il reste qu'un crime, cri, trop marquant, les pétards, cri, cri. Sur ma beat, flow, sur orbite, pas besoin de gris, gris. J'écris sans thème, précis, agressif sur les bords, sur le bord du récit. Une stratégie de bâtard, des soldats qui résistent. Prends si j'avance doucement, doucement. C'est carré avec des flots d'aimants, les faux, je démonte. Aïe aïe aïe. Les putes qui mentent, y'a plus que des cons. Ou des sales cons, des à la con qui mentent sans aucune honte. Le diable nous tente et les plus faibles succombent. Quitter son jester, c'est pas pour tout de suite. Mais si c'est le cas, je pose ma voix avant qu'on court circuit. Malgré les lois, nos choix étaient tous faits, essoufflés même en poussant, nos joies sont étouffées, on n'a plus le temps de souffler, on fait que se battre et chipoter. Les putons tassent, les tocs des frites, leur chicot de côté. Nous on a la cote, que lorsqu'on la descend, la balle au centre m'envoie bouler au poste de façon indécente, stressé, oppressé. L'état nous presse, comme du citron grandissant. Ça enchaîne, grand du merde, qui front, si t'es fronté, vos pierres foncées, les yeux foncés. Mon feu une fronde, tout affronté, sourcils froncés, je fonce. Ok, la fonce des Ascal Clan. Yo yo, c'est que gros, yo. Ici toujours le même décor. Ce quotidien, je veux m'écarter. La société m'écœure, esquive les keufs et les mecs en carton. Ce monde, je me mets à l'écart, je décale. Les gens comprennent que dalle. Du supermarché, retourne joyeusement pousser ton caddie. Que du matériel, de la retraite à la maternelle. Que du superficiel, retourne baiser ta meuf sur internet. Tout pour les intérêts, égoïste jusqu'à se faire enterrer. Pète un câble, ça rend fou dingue de quoi se faire interner. Je m'interroge sur mon avenir, la vie c'est pas facile, reste positif. Moi je touche du bois dans ce monde en plastique. À l'arrêt, ta mythomanie, remballe ton flingue et ta monnaie, ta prime et tes manies. Toi tu t'es cru super comme Nani. Tu es gros unis man, champion du monde comme Zidane, yeah, yeah. Lunettes Sarkozy man, grande gueule comme Sarkozy man. Tu vois avec une forêt, genre le gars qui t'apportera. Que dalle, genre de pute qui devant les keufs fait porter. Chapeau, ce monde je veux m'échapper, loin de la télé d'échequer. Stratégie de l'échec, un pion sur un échequer. Je me sens mal dans mes baskets, la pression dans la tête des jeunes. Génération qui déjeune à la Marie-Jeanne. Prisonnier d'un monde qui ressemble fort à un pigeonnier. Des pigeons passés, besoin de liberté mais toujours pris au piège. Les prix s'élèvent, l'inspi s'éveille en deux speed et balle. La pyramide sociale en découpe tous les jours comme un élève m'élève. Se dénoue, dégoûté, se décolle et font des dégâts. Vos serres décalées, ici c'est pas la forme comme à des quatre. La monotonie me ronge le cerveau, marre des soirées, marre de zoner. Je suis assommé, envie de bouger, le sac neuf comme le sky m'a saoulé. Marre des zoulettes, bastonné, je trouve plus le sommeil. Je suis sonné, je vais pas me soumettre, vider la tête sur son mec. Une petite instru débarque, sur le son débarque. C'est roll pas des balles, pas besoin de faire un débat. Sur le beat des boules pour les têtes et les débiles. Les nets et les dépouilles, t'as les boules qui flottent le débit. Là juste sont pour mes proches, pour mes apaches. Viens pas se remplir les poches, viens pas te lâcher des tubes, genre garde la pêche. Alors approche si t'accroches. Si je fais pas ça, je fais le sale gosse. Cache, cache avec les cops, tâche, cache mes affaires propres, claque, cache mes thunes dans des conneries. Les conneries, les gars sans cale, sans gaulerie. Mets les chances de ton côté, vers l'école te rue, motive-toi, prends ta vie en main et lâche le coin de ta rue. Sur vide mes rimes flambeaux, moi sur l'instru, je t'emmène, niquer ton train-train quotidien comme celui de l'île Flandre. Sur son mes mains tremblent, la parole envie de prendre. Un ramassis de rimes franches, mec, pour noircir tes nuits blanches, et mec, sors pas de fric. Ici c'est pas de la variété française, un papier, un stylo, écris ton vécu comme Anne Frank. J'arrive franco pour te lâcher des paroles en vrac, mon rap n'est pas avant-garde sur mes dents, j'ai pas de l'or en barre, alors embarque. Tu sois une tête ou un bouffon, riche ou des bas-fonds, chez Tanouk t'es un bon fond. Décerne jusqu'au fossette ou la haine dans le bon cerf, c'est la terre qui tourne par rond dans ce monde de foussé. Dure pas toucher le fond, pas faire des fonds sales, de tuer au boulot, te retrouver sous terre comme un fossile au fond seul. J'avance plus vite, évite les faux, fronce les sourcils, je peux pas me louper comme si j'avais pris du sourcil. C'est pas elle et non c'est les celle de Finel Arsène. À la queue l'autre mal à tour peu de vaccins. Pourquoi le monde part en yuk où c'est la jungle. Le meurtre du monde abonde, les rois blindent sous les ponts. Pour des junkies à la pelle. J'ai de la peine des voir souillés, l'esprit rouillé. Les pains pour un gros soulier sous les balles. Les pompiers aux appels car dans les bars vont se saouler. Viennent te saouler, t'es seul et sous la pluie. Mais ces connards vont se défouler. On salue pas ces salauds, qu'est-ce ça dit. Rien part, l'addition sera salée pour ces porcs qui m'ont sali. Ça y est. Mais ça, ils se sont ralliés, un pilon puis j'en pâle, ils passent les palis, ça pour me soigner. Mais dans la serre, deuxième inspiration, on sort de la merde. Troisième inspiration, les bâtards vont me bloquer. J'histoire mon rein sur du Habs pour me foquer. Mon rein, j'histoire pour mon secteur 16-1, j'en passe une à ces soupapes gros. Adieu boomerang, adieu boomerang, adieu boomerang. Yes, niggas D-A-R-E. Mais la vie bleue, j'aurais des trompettes, yes. Le temps tourne comme les gars et ces trompettes de rue. C'est tous ces putains de cops qui débarquent avec leurs gazeuses dans ce monde. Tout change à la vitesse d'une balle qui touche en plein cœur. Quand je vois tous ces petits qui meurent, tout ça me donne mal au cœur. Tu sais, notre vie elle est trop mesquine. Nous ce qu'on voudrait c'est revenir à l'époque de mes streams. Mais à chaque travail qu'on trouve, le chef nous dit vas-y reste clean. C'est pour ça que tout le monde deal, tout ce monde pour 50 dollars trim. Tous pour 50 dollars crime. Tout m'agrippe, ouais, tout m'attire, tout ce qui se passe m'attriste. Comme être de vivre à 200 dans une caisse qui brille et frimée. Comme être au soleil avec des gonzes à la plage, jouer avec des potes dans un casque et tout pillé. La vie de Pique, Sarko et tout pour voir c'est la crise. Mais quand le peuple se révoltera, tout se terminera par la crime. Avec tes phrases de pacifisme, nous on sait que t'as un passé vite, tu ferais mieux de passer vite tout. La France nous on lui casse les vitres. Yeah, Ascal clan, Ascal clan. Yeah. Dans tous les plans, dans tous les clans, Les zombies, le pouvoir ses soucis dans cette fumée nocif, esquisse un sourire. La scène 6 c'est mon somnifère, un putain de solidaire, solidaire avec les seuls qui me restent. Ensemble dresse et forge un mental solidesque. La route que je prends c'est la bonne. Tous les chemins mènent à Rome, c'est pour ça j'avance. J'assume les conséquences de mes actes. Braque, traque le beat sans entracte. Évite les flaques et les arnaques sur l'asphalte. Viens te lâcher des faces sans cesse. Un sample, une 600 ml, un joint de Sensi. Et passe une soirée sans sas. Consume la vie à grande taf. Mais pour qu'elle soit longue comme une sans S, fais quand même gaffe à sa santé. Prison gris, ça me grave. La tête dans le béton, cul dans le gravier. Mais trop boulot, costard, cravate. Le pognon a pris du grade pendant. Ça cause et ça bave, ça squat et ça taffe, ça couche et ça tague. Mes paroles sur l'instru t'es un point attaque. Check ma technique, j'ai la tête qui bat le rythme en trans. Même si c'est pas de la tech mec, beat de claque, clique, claque, boum. T'en défies le tic tac, j'ai l'attaque. Tic blic son comme un clic claque, ça m'éclate. Lâche du son qui met des claques, ça m'écarte. Ce quotidien qui me traque, le fric rend taré. Gratte la feuille jusqu'à l'arthrite, la naissance à la retraite. Pour l'argent pas d'entraque, temps me traque. La tête dans les étoiles comme Star Trek, je passerai pas à la Star. Je me fonce des à la Starez, les yeux cernés comme les lettrages. Bienvenue dans le monde de l'étrange, l'ascenseur social est bloqué. Bah c'est à pied que je montrais les étages. Je rêve vers pâturage, révolté comme Albert Camus. Un gros croc dans la pomme d'Adam, y'en a des vertes et des pas mûres. Crève sous le poids des factures, sous l'échappement des voitures. Nique la folie des grandeurs, ces raclures veulent nous voir à terre. Elles bite dans ma tête, le son coule dans mon système sanguin. Rare que je sois pas avec, comme rare de voir un flic sanguin. Un truc de cinglé, fais gaffe ta ceinture soit sanglée. Accroche-toi au beat sanglant, sanglant, débarque sur l'instru sans. Là, raconter. Ok, on part sur un petit instru classique là. Voilà, un petit instru pour se relâcher encore un petit un peu. Un petit gangstar, Gods of the Streets. Gods of the Streets, pas de problème. C'est parti. 94. Voilà. Et nous, c'est le 5-9, les gars. Ça représente le crow. Le freestyle, toi, il faut optimiste. Optimiste. Que crow, Aska. D-A-R-E, S-O-F, K-T-X, Chrome. C'est parti. Citoyen, la vie est brève, trop perdu dans vos rêves. Pour l'argent, pas de trêve. Si c'est marche ou crève. Retour à l'esclavage. Troupeau d'humains en élevage. Du bourrage de crâne. L'accouchement à la canne. Manipulé par la télé. Il te crée un idéal. Des stars comme idoles pour tracer une ligne linéale. Du plastique, du gravier. Des échelons à gravir. Perdre sa vie à la gagner. S'en foutre plein les poches et crever. C'est ça la vie mat. Dehors c'est troupeau de moutons, bousculant dans le métro. Mais pour gagner sa crouton, n'a pas le choix, c'est ça un monde plein de vie, c'est de soucis. Manger, payer son loyer, je vous présente voici. Un monde manipulé par le bif, dirigé par le bis. La fumée des usines, c'est ça que je veux offrir à mon fils. Un monde patch, blague d'embûche, vérité cachée. Des flics fachos, empreinte digitale, le fichier, je suis fâché. Mon coteau devient grisé, un monde en crise. Ton prochain, faut briser pour réussir, transforme ma haine en phrase. Ramène sa fraise, sur l'instillage des phases. Positif ou bien blasé, ça y est tu connais le blasé. C'est pas parce que t'es en caterresse que t'auras notre respect. S'approche-toi pas du style trop prohibé. Pour ma clique, toujours OP. Touche ta clique de racli. Soit t'es dac, soit tu reposes en paix. Pour mes rats, c'est le cœur qu'on tient aussi la haine et la rancœur. Alors, comme un gladiateur, je tranche à l'épée. Mon rap te gêne, t'es une épine à tomber. Là, t'es mal tombé. Nous, on veut plus tomber. C'est pour les frères, aux frères, on est passé du plan A au plan B. C'est clair et net, on est prêt à tomber. Gros frère, t'as rascal pour tous les rascals. J'suis pas là pour tromper. Comme tu vois, tu prends pas pour un trompeur. On fait des ronds avec nos doigts, nous on fuck les combats. C'est ta chaîne avec la ken à 4 pattes sans podcast. Mais toi elle c'est comme toi, j'finis tirer au chouette, coupé au vodka. Sur moi j'ai Maria, bloqué dans l'impasse, on peut pas être sympa. Tous détester ces fils de chenette, on les aime pas. Y'en a qui font le vice qui s'aime, non ça ils s'aiment pas. Pas les couilles, rime flow, tech, t'es du café à l'air. Passe pas, pareil que ça rappe al. Pareil ça rappe et ça détaille. Pour ton pareil, à ce qui paraît ça se prépare. Pour tes G.I. C'est bientôt la fin du monde. C'est bientôt le G.H.E.D. Mais la vie de nos jours elle est trop périlleuse. Le temps tourne comme les gars. Et ces trompettes de rue, c'est tous ces putains de cops qui débarquent avec leur 15 dans ce monde. Tout change à la vitesse d'une balle qui touche en plein cœur. Quand je vois tous ces petits qui meurent, tout ça me donne mal au cœur. Tu sais, notre vie elle est trop mesquine. Nous ce qu'on voudrait c'est revenir à l'époque de mes streams. Mais à chaque travail qu'on trouve, le chef nous dit vas-y reste clean. C'est pour ça que tout le monde deal, tout ce monde pour 50 dollars crime. Tous pour 50 dollars crime. Tout ma grippe, ouais, tout ma tire, tout ce qui se passe triste. Tout ça de vivre à 200 dans une caisse qui pille frimée. Comme être au soleil avec des gonzes à la plage ou avec des potes dans un casque, c'est tout pillé. Ta vie de pique, Sarko est au pouvoir, c'est la crise. Mais quand le peuple se révoltera, tout se terminera par la crise. Avec des phrases de pacifiste, on sait que t'as un pacifiste, tu ferais mieux de passer vite. La France, nous on lui casse les vite, mais une acide. D'une mie amère, je pique comme une arachnide. Déjà des rides, rares, on rit. Mangeur de rire, rongeur de vie, creuseur de tombe comme Tomb Raider. Je traverse les temps comme dans Snyder, ma bouche à sec. Les sapes du 5 à sec, je marche sur des terrains arides. J'arrive avec mon équipe comme le raid. On fait tomber les MC comme du raid. On est plus performant que du raid. Ce son stimule comme du raid. Plus quand j'ai les nerfs, je suis comme un taureau qui voit du raid. À l'épreuve des balles, j'ai mon raid skin. J'ai du style. Si tu bois du raid, c'est que je clean du skin. Aïe aïe aïe, check it, check it, check it, check it, check it, check. Un run down production. Voilà, si si. Les nerfs à vivre, incisif, actif d'une vie passive à supporter les coups. Avant j'étais fier de foncer admiratif. Maintenant dégoût est devenu une partie de moi. Le poids des problèmes se pèse un jour, je te l'affirme. Sens inverse de la réalité. Le mauvais chemin, destin, prise de décision. Une histoire sans fin, le reflet du miroir montre qui tu es devant tous. Mais à l'intérieur c'est tout autrement rongé jusqu'au bout. Des pensées, des braquages, de vouloir faire le bon coup. Trinquer l'honneur de vivre les rêves de chaque soir. Cal réveil est dur, ouais, la vision d'un trou noir, la rengaine fait peur et les keufs tournent tard. Se dire mourir un jour de faim ou pleurer un seul le soir. Des larmes de colère aussi grosses que cette matraque. Tape, hésite pas, ouais, j'ai l'habitude de prendre des claques. J'ai vu aussi que frapper forge un mental. Incapable, j'ai connu ça à l'école, ouais, on le disait déjà. Squatter au fond de la classe, futur mec, y'aura pas de toi. SDF alcoolique, ben mec, vas-y, fais ton choix. Pris pour cible, un profil qui ne convenait déjà pas. Tant que tu gagneras pas une coupe du monde, ta tête passera pas. Les médias nous aident tous les jours pour aller plus bas. Montrer la misère du monde où l'on vit dans ce putain de luxe. Faut pas s'étonner si les prises de risque de certains, leur seule issue c'est de pointer l'arme à la main. Ce n'est que pas qu'une fierté de se faire des billets, c'est juste survivre. Car la merde c'est toi qui l'a créé, ouais. Je rappe mais je boycotte le délire. Je fais pas la course au dollar, ni en cavale ni ex-dollar. Pas de jogging et pas de mollard. Je raconte mes joies, mes malheurs, ce que je vois ici ou ailleurs. Mes convictions, mes valeurs, utilise la langue de Molière. Je lève plus le pouce, je lève le majeur. J'ai plus d'air et plus d'allure. Tourne en rond comme système solaire et même ma montre est plus à l'heure. Fin de vie aura pas de jour et du je combatte. 4 ans dans la corrida. Rémi face à l'acido, une vie amère, parole acide. Retour au fond du son pour les fonds, fils, faut que je passe à front, fond, fond. Pour l'inspire, rejoins dans le front, faut réfléchir avant d'écrire, remplir la feuille avant d'y croire, ouvrir les yeux avant de voir clair et quelques années avant d'éclore. Les faux percent en un éclair, tandis que les vraies galères, la colère devient douleur, dans ton esprit remet de la couleur. Les années passent, le temps s'écoule, la monnaie fait que le rap s'écroule, mes paroles envoient couler, les mecs qui sont en train de le couler. Mon fleur à la bouée, ma bouche transforme en glock, dans ton industrie je fous un boucan, si tu kiffes mon son, passe-le en boucle. Croque, bien, voilà. Si tu kiffes son son, passe-le en boucle. Abasourdi, mise en sourdine, trop de mots intensés. Et lancer à le bol de cris de haine insensés. Canassé, les bras croisés, menottes au poignassé. Comme tasser ces dossiers, laisse cet avenir de côté. Sans penser aux autres qui peuvent rien y faire. Je n'ai pas vu que dans le fond t'es aussi pire que cet Hitler. Les mots sont clairs, la vie est chère, maintenant la pause. Ça fait du bien de temps en temps de respirer, ouais. J'aurais aimé d'être cet homme, ce chef militaire. Pas pour la guerre mais pour pouvoir arrêter toute cette merde. On m'a dit un jour tes textes reflètent un air de vengeance. Comment veux-tu on respire tous les jours la honte de cette France. Je suis moi-même, de mon cœur, de ma haine. Mission risquée au mic, j'pose le plastique avec un S. J'm'applique pour transmettre un wesh de résine élastique entre les lèvres. Pas les coups des tracés sous pièces et lèvres. J'suis moi-même, j'représente mes frères. Trop vénère avec ces verbes sans chef pour mes frères. Que la justice blesse. J'suis moi-même, j'suis en train de poser ces textes sans texte. J'suis prêt sans tact, j'suis moi-même frère. J'suis moi-même, j'suis de la merde au pluriel avec mes potes. Chez nous, j'suis une colombe qui s'est fait trouer les ailes. Chez nous, y'a pas d'Asie, y'a pas des ailes. Chez nous, y'a le sème, reste ton zèle. Même. Je suis moi-même, ouais ouais, écoutez, écoute. Je suis moi-même, je suis moi-même. Pour m'en sortir, je fais ce qu'il faut, parce que personne ne le fera pour moi, mec. En ce moment, je galère comme si je faisais du ski de fond. Donc je t'envoie ces mots avec une fronde pour que cette vie tu l'affrontes. Je suis moi-même, je suis moi-même. Pour m'en sortir, je ferai ce qu'il faut, parce que personne ne le fera pour moi, mec. Pour moi, mec. En ce moment, je galère comme si je faisais du ski de fond. Donc je t'envoie ces mots avec une fronde pour que cette vie tu l'affrontes, mec. Ouais ouais, c'était DAR. SOF que Cro, Ascal au mic, freestyle. Fucky, Boomerang Radio. Fucky, Fucky, Boomerang Radio. 89.7. Fucky, 89.7.